Vous souhaitez annoncer votre manifestation sur Fadjet? Contactez-nous par mail à agenda@fadjet.net ou via notre site internet fadjet.net, rubrique « Annoncez votre événement ». Il est 18h. Précédemment, dans Destination Série. It's a shame. Talk Talk dans Destination Série. Entrée. Le titre faisait 20 minutes, bon, donc sais. Vous comprendrez que le temps nous est compté et on l'a un peu raccourci. Plus que jamais. C'est pas 24 heures chrono qu'on essaie de faire, c'est 50 minutes, 55 minutes chrono. Et là, on est mal barré. On est mal barré. On est très fort aujourd'hui. Tout est dedans. On n'a pas spéculé. Bah, tout est dedans, pas vraiment. Bah, il n'y a pas de série, ça. J'annonçais fièrement et très heureux en me disant l'audioscope, il sera calé le vendredi matin. Mais entre-temps, France 2 a joué la coquine en me disant, mais attention, ce soir, le téléfilm à l'instinct, si ça cartonne... C'est un pilote. C'est un pilote de série. Sur les 5 places de l'audioscope, c'est quasiment tous des polars. Hormis le voyageur. Bah. Parce que le voyageur, c'est pas. Le voyageur, il enquête. Il enquête, oui. Bah, je pense qu'il enquête. Ouais, mais un peu. Bah, il enquête dans les bois avec son chien. Donc, oui. Mais, un petit peu moins polar. Bah, il est un peu polar quand même. Oui, quand, oui, en bon. Ce moment, si vous faites du polar, ça marche. À l'heure actuelle, la série numéro 1, c'est Le Voyageur. Après le reste, on peut pas. Hein. On attend les audiences de À l'Instinct. Moi, j'y crois pas trop, hein. Sincèrement. On peut être surpris. Hein. On peut être surpris. C'était dans les années 80. C'était des chansons. 90. Oh, ça, c'est la vie, c'est 80 pour moi. Je dirais début des années 90. Eh bien, on en reparle après une petite recherche, là où ça va bien. C'est la vie, c'est du vent qui nous souffle, les rêves d'enfant, c'est la nuit qui descend, c'est jamais comme avant, il ne faut plus faire semblant. Petite info à Monsieur Haute 40, c'est la vie de Marc Lavoine est sorti le 3 avril 1989. Ouais, alors, hein, j'ai dit début des années 90, toi tu as dit années 80, donc la balle au centre, hein, parce que c'est pas non plus le plein des années 80. Hein. Bah, ça saurait si 1989 faisait partie des années 90. Meurtre en Champagne. Alors là, je comprends pas, hein, c'est sur France 3, oui. Mais c'est allemand. Pourquoi c'est allemand? Ah, parce que j'ai fait un copier-coller du voilà. Dimanche. Et voilà. Non, c'est je français, me venge. Hein. Ouais. Meurtre en Champagne, c'est donc bien français avec Samira Lachab et Stéphane Brancafort. C'est la collection des meurtres à An. Enfin, à ou An. Vous m'avez compris. Je vous ai compris. Sur France 2, c'est L'Abîme, une nouvelle série qui commence avec Sarah Mortensen, vue aussi dans Plus belle la vie. Hein, oui, et Gilles Alma. Et qu'on voit aussi dans l'autre série de France 2. Deux femmes. Deux femmes. Astrid et Raphaël. Astrid et Raphaël. Bravo, quel duo de choc nous formons. Sur Fadjet, dès 18h, Destination Série. Destination Série avec Laurent et Benoît. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série, le 753e numéro, le 17e épisode de la 20e saison. Vous êtes bien sur 21e saison. Vous êtes bien à l'écoute de Fadjet, à l'écoute de RCN, il est 18h et à mes côtés, comme chaque vendredi, j'ai celui qui parle beaucoup, Benoît. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce week-end à 18h, passé de quelques minutes maintenant. Alors dans Destination Série, aujourd'hui comme les semaines précédentes, vous aurez le plaisir de retrouver le 7 Actu, le plus bel TV, samedi, de vous parler de quoi, eh bien vous le découvrirez à la fin de l'émission. Et attention, aux alentours de 18h25, 18h30, vous allez découvrir une nouvelle chronique. On en a parlé plus tard qu'il y a 7 jours, et quand on le dit, généralement ça arrive très vite. Je pensais pas que ça arriverait si vite que ça quand même, mais les Challengers, le nom évoqué il y a à peine 7 jours de ça, comme je vous le disais, eh bien sont arrivés. Alors du coup, ça a fait disparaître tous les autres. Donc on arrive à un concept où, comme disait la phrase célèbre, les derniers seront bientôt les premiers. Et donc, je vous rappelle qu'au départ, nous sommes partis d'un concept créé il y a quelques années maintenant, le rétroviseur, qui vraiment regardait en arrière les 5 séries les plus importantes de la semaine. Et depuis le début de cette saison, eh bien, on recule. On a créé ceux qui étaient aux portes. L'audioscope est passé pour ceux qui faisaient de l'audience. Le rétroviseur est devenu pour ceux qui étaient un peu aux portes, qui n'étaient pas loin, qui un jour vont pouvoir arriver à l'audioscope. Et maintenant, si vous avez bien suivi l'épisode précédent, et je pense avoir bien résumé, Laurent, nous avons donc les challengers, qui sont ceux qui sont encore en dessous de ceux qui étaient aux portes. Donc, je résume, vous avez donc l'audioscope, ensuite le rétroviseur, et en bas de classement, les challengers. Jusqu'où allons-nous aller? C'est aussi la question que je me pose. Si je peux me permettre, tu oublies une case. Ah, j'ai oublié qui? En fait, les challengers ne suppriment pas l'audioscope. Non, mais là, sur le conducteur, il y en a plus. en fait, on va envoyer nos auditeurs et auditrices le samedi matin sur samedi.fr pour découvrir l'audioscope, le rétroviseur officiel. Donc, les 10 places qui ont le plus cartonné, les 10 séries qui ont le plus cartonné dans la semaine. Mais dans la semaine, il y a eu, normalement, jusqu'à présent, il y a plus de 10 séries. Donc, dans la semaine, il y a, dès le samedi, dimanche, lundi, il y a des séries qui vont apparaître, mais au fur et à mesure que les audiences vont tomber et que le classement, les challengers, va donc s'agrandir, à un moment donné, il y a des séries qui sortent. Et j'ai repris une de tes appellations qui était bien vue. En fait, il y a donc maintenant, il y a donc l'audioscope, le rétroviseur, les challengers, elle est disparue de la semaine. Ah oui, pardon, j'ai oublié la quatrième catégorie, les disparus de la semaine. C'est ceux qui sont rentrés dans le challenger, c'est mais qui n'ont pas résisté face à la concurrence. C'est vrai que je les avais oubliés. Il faut que je fasse très attention à ce que je dis maintenant. Parce que on est en réalité augmentée. On a quasiment ce qu'on dit, ce qui se réalise. C'est quand même fou, hein. Si ça pouvait se passer comme ça quand on défile dans la rue, malheureusement, c'est pas pareil. Alors la seule chose là où je m'excuse, c'est que je n'ai pas pu encore faire la petite étiquette les disparus de la semaine, mais très prochainement une image va apparaître pour quand même mettre en avant ces séries qui ont eu de l'audience, mais qui n'ont pas été assez fortes face à la concurrence. Mais rassure-moi, on reste quand même concentré sur celles qui font de l'audience. C'est quand même le plus important. C'est pas que je n'aime pas les autres, mais bon, quand même, ils méritent qu'on parle d'elles. Ah, on peut, en amont des challengers, faire un flash audioscope et rétroviseur pour dire voilà, le classement officiel établi samedi dernier, il est celui-ci, voilà. Et après on déboulera sur les challengers. Les challengers, c'est une chronique concept où chacun de nous deux va pouvoir placer la série ou les séries du vendredi à un certain endroit dans le tableau des challengers, et à la fin du mois ou à la fin de l'année, on verra celui qui a eu le plus souvent raison du côté des supputations. Okay. Et là, j'ai une pensée pour Guilux, qui avait des concepts du tonnerre. Et là, ce grand monsieur de la télévision française nous manque. Et là, j'essaye un peu de faire du Guilux. Alors là, on pourrait ressortir la cible. Hein. Là, on devient ma cible. Finalement, la cible était d'un concept facile. Là, je connais des auditeurs qui doivent se dire, finalement, la cible de Benoît, c'était pas si mal. Allez. Donc, après toutes ces explications, oui. On marque une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. On a déjà bien besoin de se reposer parce que là, on est déjà perdu. Chez vous, allez boire un petit coup, vous hydratez. Et on se retrouve après. Alors oui, c'est un concept aussi, l'émission d'aujourd'hui, c'est des génériques. Voilà. Toutes les séries viennent de Grande-Bretagne. D'accord. Personne n'est mort, c'est un hommage à personne. C'est un hommage au générique. Bien. Car cette semaine, une nouvelle fois, je me suis fait violence. J'ai regardé le nouvel épisode de The Last of Us. Et on peut critiquer cette série pour certaines choses. On peut ne pas aimer, mais on peut saluer la présence d'un générique. Quand on voit certaines séries qui passent à côté, je me permets aussi de saluer JLA Productions, Jean-Luc Azoulay, qui, à l'heure actuelle, dans le paysage audiovisuel français, a le plus long générique qu'on puisse voir à l'heure actuelle, Les Mystères de l'Amour. On peut aimer et ne pas aimer, mais en tout cas là, saluons aussi le maintien d'un générique. Et ce retour sur les anciens génériques nous permet de retrouver quelques pépites. Et la première pépite s'appelle « Amicalement vôtre ». Souvenez-vous, dans les années 60, John Barry nous a offert ce petit cadeau. Tous les vendredis sur Fadjet, dès 18h, Destination Série. 7 Actu avec Laurent et Benoît. Et on commence le 7 Actu de cette semaine avec une info qui va ravir ma France, ma compagne, une info qui est tombée. Alors, il y a des questions qui se posent après cette info, au vu voilà, d'un certain côté, mais on peut penser quand même, on peut espérer que NBC voilà, donne la chance à minima d'une nouvelle saison, en se gardant le fait que s'il y a un fléchissement en fin de saison 2, elle n'a pas pris de trop, mais en fin de saison 2, si l'audience se maintient, elle commanderait une troisième saison complète. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que NBC a officialisé la commande d'une troisième saison de la Bréa. Alors, quand on se rappelle de la catastrophe qu'a été la série précédente avec des dinosaures, ça s'appelait... j'ai un trou de mémoire, mais on en a parlé dans Destination Série. C'est une série qui était apparue, ça devait être le Jurassic Park de la télévision américaine, et ça a été un flop. Là, la Bréa, ils se sont dit, bon, on va se faire plaisir, ça fait 10 ans que l'autre série s'est crachée, on va se faire une petite série avec des dinosaures pour un petit anniversaire, une petite commémoration, et après on passera à autre chose. Sauf que la première saison était un succès. Et à l'heure actuelle, la deuxième saison, je ne sais pas si tu vas me contredire, Benoît, mais elle continue d'avoir d'excellentes audiences. Alors, c'est pas un carton, mais on est quand même au-delà des 5 millions de téléspectateurs. On est au-delà des 5,4 millions hebdomadaires, en moyenne. Hein, donc, il peut y avoir des épisodes qui sont un peu plus forts. C'est quand même la septième série la plus regardée sur... sur NBC, voilà, donc voilà, c'est une série de voilà, un bon retour, on va dire, un bon retour sur investissement, si on peut dire comme ça, sans être la série du siècle et sans avoir eu aussi bénéficié d'un battage médiatique, voilà, on a été plus prudent. Terra Nova. Terra Nova, voilà. Voilà, ça m'est revenu. Mon cerveau a travaillé, a cherché. Terra Nova, le budget était astronomique. Par contre, on en avait trop fait. Je pense que Terra Nova aurait peut-être plus fonctionné si on l'avait lancé un peu comme la Bréa, sans en faire un battage médiatique. Bah, le problème de Terra Nova, c'était les décors qui étaient immenses. C'était quand même très beau. Le coût, très beau. C'était très beau, mais le coût par épisode était énormissime. Alors que la Bréa, sans être méchant, on est à minima, quoi. Au niveau du budget, c'est pas non plus... Mais j'ai pas regardé totalement, j'ai regardé la première soirée, donc j'avais regardé 3 épisodes, et sincèrement, ça se regardait, l'intrigue était assez sympathique. Voilà, c'était une bonne série de science-fiction. Alors par contre, ça a fait quand même... Alors, on peut pas dire un four, mais on était quand même déjà à une température... assez douce sur TF1. Oui, mais comme certaines autres séries. Donc, voilà. La Bréa, en fait, s'en est pas trop mal sortie. Donc, c'était une série d'été, hein, rappelons-nous. Elle était sortie en août. Voilà. On peut dire que la série se maintient aux États-Unis. Là, pour l'instant, NBC a commandé que 6 épisodes, mais elle est qu'à mi-saison de la diffusion de la deuxième saison. Donc, à mon avis, elle met des barrières de sécurité pour pas trop commandé d'épisodes au cas où si la deuxième saison terminait avec un fléchissement. Mais si la saison se maintient aussi confortablement, je pense que les fans de La Bréa pourraient espérer une troisième saison complète. On aura la réponse, à mon avis, vers le mois de mai. On poursuit cette actu. Alors, rapidement, hein, The Last of Us, l'épisode 5 sera disponible plus tôt, au lieu d'être disponible dimanche. Pour nous, ça sera le samedi et aux États-Unis le vendredi. La raison en est très simple, hein, le Super Bowl arrive et la plateforme ne veut pas que la série subisse une chute d'audience par rapport au Super Bowl américain qui est très suivi chaque année. Et on arrive là au bilan de la mini-série Piste Noire, une série que Benoît a particulièrement appréciée. Oui, moi j'ai bien aimé cette série et donc plutôt un beau succès, hein, pour cette série sur France 2. Alors on ne sait pas, hein, encore à l'heure d'aujourd'hui s'il y aura une saison 2. Normalement, d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas prévu. C'est une histoire bouclée. C'est une histoire bouclée. Alors, c'est une histoire bouclée. Bon, il y a plein de rebondissements possibles, hein, parce que on pourrait très facilement rebondir sur autre chose. Surtout qu'il y a d'autres pistes qu'on pourrait explorer. Voilà, la piste bleue, la piste jaune, voilà la piste. J'allais dire une grosse bêtise. celle qui est plutôt derrière. Mais c'est pas grave. On va pas faire du jeu. Non, non, non, bah, on va correct. Pas faire ça. C'est pas du tout notre genre. Donc voilà, en tout cas, la piste noire a eu lieu à son dernier tour de piste, si vous me permettez encore ce jeu de mots pas très intéressant, le lundi dernier. Hein. Mmh. Et c'est plutôt des audiences correctes. Le premier épisode était à 4 063 000 téléspectateurs. La suite, on était à 4 millions 46 000 téléspectateurs sur la première soirée. On a fléchi un petit peu lors de la première soirée à 3 millions 6. Et là, on était à 3 millions 5 lundi dernier. Donc, globalement, on était entre 3,5 et 4,5, ce qui est plutôt mal. Quand on sait que la série est disponible sur France.tv, elle est même disponible dès le matin 6h, si vous voulez éviter à attendre le prime de 21h, vous pouvez la voir même le matin, l'après-midi, c'est vous qui décidez. Mais comme les 6 épisodes étaient d'un coup, tu pourrais les regarder quand tu voulais. Et en plus, les épisodes sont disponibles d'un seul coup, donc les audiences maintenant... Et voilà, ça, c'est la grande nouveauté de ces dernières semaines sur France Télévisions. Ils ont refait pareil avec la série de mercredi soir... L'abîme. Tous les épisodes sont disponibles voilà. Également. Donc c'est là où on voit que Salto, c'est... Voilà, hein. Toi, tu vires. Oui, bah là, on pourrait en parler aussi de Salto, parce que ça a été aussi la révolution pour tous les fans des séries de TF1, notamment Ici, tout commence et Demain nous appartient. Ça a failli rentrer dans le 7 actu. Puisque les épisodes ne sont bien... Vous saviez qu'ils nous les vendaient d'avoir toujours 2-3 épisodes en avance voilà. Sur Salto. Et bien maintenant, ça n'existe même plus. Les gens sont vent debout contre Salto, mais je pense que Salto va mourir de sa petite mort. Alors, hein. Tu sais pourquoi TF1 a pris cette décision? À cause de TF1 Max et la séparation avec comme, M6. Comme Salto est en train de mourir tout doucement à petit feu, ils ont retiré leur bille pour qu'il n'y ait pas ce contrat-là dans la vente, si à vente d'une partie de Salto, ils veulent reprendre leur bille pour replacer ça sur TF1 Max. Exactement. Le 7 Actu, alors là, ça a donné l'impulsion pour le conducteur de cette semaine. Le 7 Actu a une info magnifique. On a appris cette semaine que Georges Clooney avait acheté les droits pour adapter la série française de Canal+, Le Bureau des Légendes. Le Bureau des Légendes, la célèbre série de Canal+, aura sa version américaine, produite et réalisée par Georges Clooney. Ouais, ce thriller d'espionnage sera donc ancré dans le monde des services secrets américains et le contexte géopolitique récent, en puisant largement dans les témoignages d'agents, d'anciens agents de la CIA. On ne pouvait donc rêver plus belle affiche que Georges Clooney et la chaîne Showtime, parce que c'est la chaîne Showtime qui va prendre aussi ce dossier-là en main avec Georges Clooney pour cette version donc nord-américaine du Bureau des Légendes. Voilà, c'est une... Alors, on en avait déjà entendu parler. Ça fait un moment que c'était un peu... Dans les tuyaux, mais voilà. Intox. Il y a beaucoup de choses dont on évoque à un moment et puis qui ne donnent jamais de suite. Ben là, c'est vrai. Ce n'était pas un mirage. Voilà, c'est vrai. C'était une vraie info qui a été officialisée cette semaine. L'autre info du 7 Actu cette semaine, c'est une série française que France et moi-même, on a adoré. Oui, qui a été diffusée, toi aussi. On en avait parlé à l'époque sur France Télévisions. Voilà, qui a été diffusée les mercredis soirs. On a eu des petites audiences par rapport à l'audience de Piste Noire. Cette série, malheureusement, a fait bien moins. Alors qu'on l'avait vendu, on l'avait supporté, on l'avait aidé. Hein. Oui. Du mieux qu'on avait pu, on vous l'avait vendu et survendu. Et rappelez-vous, si vous réécoutez les bandes, on avait dit « Ce n'est pas normal que cette série n'ait pas pu trouver son public. » Eh bien, on nous a entendus. Et même si, d'une autre manière, c'est un peu par hasard. D'ailleurs, que j'ai remarqué en regardant les nouveautés sur Netflix, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, ça. Et je me suis dit, mais oui, c'était la série de France Télévisions qui donc a été rachetée, qui est sur le catalogue Netflix et qui fait un carton. Elle est entrée le 30 janvier et donc en une semaine, elle a été visionnée. Attendez, on a le chiffre, je crois. Non, on n'a pas le chiffre, j'ai cru lire un chiffre d'heures de visionnage comme fait souvent... Je crois que c'est dans les 20 millions. C'est ça. 2022. Voilà, c'est ça, exactement, oui. Donc 22 millions eh bien de personnes ont pu regarder déjà cette série. C'est fantastique et tant mieux, elle le mérite. Alors si ça pouvait peut-être parce qu'on s'était dit, hein, on aurait aimé avoir il y avait des possibilités aussi de suite. Ah oui. Et donc peut-être que via Netflix ça pourrait peut-être voir le jour. Alors ça serait vraiment magique que Netflix France commande une saison 2. Ça serait vraiment que, voilà, alors un que pur c'est bonheur. Pas un produit de Netflix au départ, hein. Mais je trouvais que ça vaut largement parce qu'on n'est pas, enfin, on n'est pas très très doué pour l'instant dans les grandes séries Netflix France. Oui, et puis en plus là, c'est une comédie romantique qui fonctionne bien. On a de bons acteurs et Maud Baker, voilà, elle est toujours aussi magnifique. Donc, elle mériterait largement une deuxième saison. Le 7 Actu, c'est aussi un nouveau record, on reste sur Netflix, un nouveau record pour les combattantes. La dernière fois qu'on vous a parlé du carton des combattantes sur Netflix, on était aux alentours des 26-30 millions de visionnages. Et là, la série a explosé la barre. Des 30 millions. On est au-delà des 30 millions. Ben, on est même dans les 60, si je me rappelle bien. Attends. Ah oui, pardon, c'était la semaine 2. Oui, c'est. Ouais. Ouais, on est passé de 24 à 30. Ouais. Et la semaine 3, encore 11 millions. Et on est à plus de 66 millions de visionnage. De visionnage sur Netflix, là aussi, à l'heure actuelle. Cocorico pour ouais, TF1. Exactement. La série que TF1 a produite cartonne aussi sur Netflix. Comme quoi, en France, vous faites des séries françaises, de bonnes séries françaises. Ça marche. Par contre, à l'heure actuelle, on le voit bien dans l'audioscope, dans le rétroviseur et prochainement, dans quelques instants, dans le Challenger, les séries américaines ont du plomb dans l'aile. Dans quelques jours, dans une ou deux semaines, M6 va tenter de lancer NCIS Hawaii. Enfin, c'est plutôt NCIS Hawaii. La nouvelle déclinaison d'NCIS. Le samedi soir d'M6 série, on peut pas dire qu'en ce moment ça cartonne. Ouais, surtout donc que là, The Voice va arriver en face. En plus, donc ça, là, va, faire mal. Ça va être compliqué pour le NCIS Hawaii. Et on termine cette actu avec le bilan de la quatrième saison de The Resident. Alors, un bilan qui fait un peu mal, mais derrière, il y a quand même une bonne nouvelle. Alors moi, ça, même les journalistes professionnels sont étonnés. Le bilan, Benoît, on va faire vite, il est pas bon. Bah non, 2,24 millions de fans sur les 14 épisodes en moyenne de la saison 4, c'est quand même très très faible. Mais on en parlera dans le Plus Belle TV aussi avant la fin de cette émission. Chose étonnante, c'est que dès la semaine prochaine, TF1 enchaîne avec la cinquième saison de The Resident. Alors peut-être pour arrêter la diffusion au bout de 3-4 épisodes comme d'hab, mais en tout cas, c'est pour ça, dans la précédente émission, pour moi, il y avait un contrat derrière qui les obligeait, entre guillemets, de diffuser cette série. Je ne vois pas quelle autre explication on pourrait trouver. Il y a quand même une part de marché intéressante, quand même 22% des femmes responsables des achats, hein, quand même. Tu crois que la part de marché... Que c'est peut-être que c'est 22% oui. Des la ménagère de plus de moins de 50 ans... C'est pas okay. Négligeable, alors, peut-être. Peut-être que Benoît a trouvé une nouvelle piste, mais en tout cas, ça reste étonnant, puisque l'audience globale du premier épisode en inédit, on peut pas dire que ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Ah, c'est sûr que c'est compliqué. Pas Balthazar. Hein. C'est pas Balthazar. Hein, on peut pas, tout le monde ne peut pas être Balthazar. Hein. C'est la petite exception. Il y en a qu'un de Raphaël Balthazar. Dans quelques instants, dans Destination Série, vous allez découvrir la nouvelle chronique audience, les Challengers. Ouais, mais on parlera aussi de l'audioscope, hein, des meilleurs. Non mais, Challengers... Et encore, Benoît, t'as pas entendu le générique des Challengers. Tout de suite, voici Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Souvenez-vous, John Steed, ouais. Patrick McNee avec Pearl Day, avec Emma Peel. Ah, ça aussi, dans les années 60-70, ça a cartonné. Qu'est-ce que c'était bien, cette série. Et le générique. Ça, on n'a jamais refait la même. Hein. C'est de, ce genre de série, qui, c'est des, voilà, on n'a jamais pu refaire la même chose. Non. Comme Amicalement Vôtre. C'est ces séries-là qui ont leur Amicalement Vôtre appartient à Tony Curtis et à Roger Moore. Dallas appartient à Larry Hagman et Chapeau Melon et Bottes de Cuir, ça appartient à Patrick McNee pour l'éternité. Il y a eu une tentative au cinéma, mais qui n'a pas été terrible. Non, tout à fait. Donc voilà, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, le vrai, c'est... le Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Chapeau Melon et Bottes de Cuir, c'est pas tout à fait la même série. Voilà, dans les années 60, ça donnait ça. Le générique est inoubliable. Alors, je tiens à préciser une chose. Là, maintenant, c'est la première des challengers. Et je tiens à préciser qu'on ne va pas remettre un prix. Hein. Quand vous allez entendre la musique qui lance la chronique, ne vous dites pas « Ah, ils vont décerner chaque semaine des trophées ». Non, non, non, non. On va juste parler des audiences. Hein. On ne va pas trop s'emballer. Voici donc la première des challengers, les séries qui ont eu de belles audiences cette semaine, les séries qui prétendent à entrer dans l'audienscope et le rétroviseur. Et maintenant, dans Destination Série, les challengers. Et on commence les challengers avec les disparus de la semaine. À l'heure actuelle, elles sont que deux. Ce soir, enfin demain matin, quand on aura les audiences de la série de France 2, on va pouvoir découvrir la troisième série qui va les rejoindre. Car à l'heure actuelle, on a déjà les 10, enfin, on a déjà 10 séries qui sont dans l'audienscope et le rétroviseur. Alors les premiers disparus de la semaine... C'est des séries qui ont caracolé, enfin qui ont évolué dans le classement des challengers. On peut remarquer que le commissaire Magellan a commencé à la deuxième place, il a terminé à la cinquième, et que Columbo a commencé à la quatrième et a terminé à la troisième avant d'être éjecté. Donc Columbo, cette semaine, a eu 701 000 téléspectateurs et 842 000 téléspectateurs pour le commissaire Magellan sur C8. Donc là, Benoît, on peut dire, on comprend pourquoi qu'elles sont déjà éjectées. Oui. Quel enthousiasme. Donc, ils sont disparus alors. Donc là, on commence le classement provisoire du rétroviseur. À la cinquième place, on a le premier crossover entre Magellan et Mongeville qui, cette semaine, a récolté 1 350 000 téléspectateurs. Mais ça ne va pas lui permettre de rester dans le classement, on peut officiellement annoncer que c'est donc le crossover entre Magellan et Mongeville qui va glisser dans les disparus. Oui. En quatrième, donc, on a Blanca qui a obtenu 1 587 000. On a en troisième position The Resident qui continue de baisser en audience à 2 120 000 téléspectateurs pour le final de la quatrième saison. En deuxième position, est-ce que tu pourrais fermer la porte, s'il te plaît ? En deuxième position, on a le SWAT à 2 817 000 téléspectateurs. En première position, on a Meurtre en eau trouble. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est que du côté du rétroviseur, provisoirement, on a en premier Meurtre en eau trouble, en deuxième, le SWAT, en troisième, The Resident, et en quatrième, Blanca. Et on arrive donc à l'audienscope. Pour le moment, l'audienscope, on a en cinquième position Piste Noire. Mmh. En quatrième, on a Balthazar. Alors lui, il arrive directement à la quatrième place avec ses 4 049 000 téléspectateurs et une part de marché qui est à 21,6%. L'Abîme arrive directement à la troisième place, la nouvelle série de France 2, à 4 354 000 téléspectateurs et presque 20% de part de marché. C'est d'ailleurs la meilleure audience de la soirée. Hein. France 2 était premier des audiences avec sa série L'Abîme. En deuxième, pareil, hein, la deuxième place et la première place, les séries sont arrivées directement à cette place-là et n'ont plus bougé. Le Voyageur est deuxième à 4 426 000. Et en première position, on a Meurtre en Champagne à 4 795 000 téléspectateurs et 27%, enfin un peu plus de 27%, 27,5% de part de marché pour Meurtre en Champagne qui a été diffusé samedi dernier sur France Télévisions. Après France 3. Après cette énumération d'audience, Benoît, ce soir, si je vais du côté du Plus Belle TV de ce soir pour le vendredi, je glisse mon curseur. Ce soir, la série qui est diffusée sur France Télévisions, c'est sur France 3, c'est Crime dans l'Hérault. Donc, le concept des challengers veut... Pour toi, à l'heure actuelle, tu placerais Crime dans l'Hérault à quel niveau ? Du challenger. En sachant que y a quand même c'est les victoires de la musique, non Non, il y a quand même... oui, il y a les victoires de la musique sur France 2. Bon, c'est pas ça qui va faire de l'audience. Non. Mais il y a Jean-Luc Reichmann sur TF1 pour un spécial Saint-Valentin, je crois, de... Des 12 coups de l'amour, là, non ? Ouais, peut-être, oui. Je crois que c'est ça. Alors, ça peut faire un peu plus d'audience que d'habitude. Bon, c'est une rediffusion, hein, les Meurtres dans l'Hérault, non ? Je crois. Hein. C'est une rediffusion, oui, si je regarde, ouais, c'est une faire, rediffusion. Ça peut faire 4 millions quand même, hein, donc ça va se retrouver... ouais, ça va se retrouver 4 ou 5e, hein, je pense quand même. Hein. Donc, tu je pense que ça... Ça va chauffer pour Piste Noire, hein. Piste Noire, oui, ça sûr. Risque de... Oui, je mettrai ça à la quatrième assuré... ou à la cinquième place. Oui, ouais. C'est comme le classement provisoire du rétroviseur, c'est sûr que Magellan et Mongeville risquent fortement de glisser, à moins d'une surprise, mais du côté de Piste Noire, c'est sûr que là, Meurtre dans l'Hérault, ça fera plus que... J'ai même un peu... Ça pourrait même faire mal à Balthazar, mais comme j'aime bien Balthazar, on va se dire qu'ils ne feront pas 4 millions, ou juste un peu en dessous. Voilà, donc en tout cas, c'est Piste Noire qui sera éjectée. Ce Crime dans l'Hérault sera 4e ou 5e pour moi. Donc pour toi, ce soir, France 3 sera 5e de l'audienscope. Voilà, 5e ou 4e, oui. Et moi, je pense qu'il y a peut-être une possibilité que ça soit dans le rétroviseur, en première position du rétroviseur. Il y a, parce que 3 499 000, il y a, comme tu dis, Reichmann sur la une. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc moi, toi, tu dis 5e de l'audienscope. Ouais, moi, je dis, premier. Pour faire une petite différence, premier du rétroviseur. Tu laisserais la Piste Noire 5e. Oui, ça me conviendrait bien. Mais... Parce que en rediffusion, 3 500 000, c'est peut-être... Parce que ça a déjà bien été diffusé sur France, France 3 les samedis. Regarde, on a eu des rediffusions qui ont fait 4 millions, voire 4 millions, oui. Et nous, mmh. même, rappelle-toi, on s'est fait un peu avoir les vendredis sur des rediffs. Hein. Donc, je sais pas. Faut voir. Bah, pour essayer de se départager, oui, voilà, toi, voilà. Tu dis que Balthazar restera quatrième. Donc, tu places dans l'héros cinquième de l'audioscope. Donc, moi, je me place, je dis que ça se placera premier du rétroviseur, histoire d'avoir vraiment deux avis tranchés. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté de l'audioscope. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir lequel des deux avait raison. Tout de suite, dans Destination Série, on va marquer une nouvelle pause musicale avec une série toujours anglaise. On part dans l'espace, une série que Benoît adore. C'était ma chouchoute, c'était ma série de science-fiction préférée dans ma jeunesse, Cosmos 1999. Et il y a 21 ans, j'attendais mon... Oui. C'est drôle parce que quand on revoit un peu comment ils imaginaient à l'époque l'année 1999, c'est très drôle en fait. Bah oui. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas et encore, du tout, et, du et tout. Encore heureux. Hein. Et parce que oui. Je sais pas si on aurait pu faire ce coup. Pas pu faire ça, je pense. C'est pour ça, un conseil à ceux qui font des séries futuristes, donnez-vous de la marge. Là, Gerry Anderson et Sylvia Anderson auraient dû mettre un 2, 2999. Parce qu'on n'a toujours pas les aigles, on n'a toujours pas la base lunaire alpha, on n'a toujours pas voilà, ce qu'il y a dans la série. On a d'autres choses hein, qu'on aime bien aussi. mais on a quand même, eux, ils avaient des espèces de communicateurs, des petites télés portatives. Ouais, oui, oui. C'était l'ancêtre des portables ou des montres connectées. Ou des montres. Ça fait un peu montres connectées. Des montres télévision, ça existait aussi. Oui, oui. Hein. Donc, petit retour dans les années 70 du côté de l'Angleterre, Cosmos 1999. Et je l'ai dit et redit souvent quand tu nous passes un peu de ce générique-là ou quand on parle de Cosmos 1999. Si peu rediffusé, et on peut remarquer que les acteurs étaient fatigués quand ils tournaient cette série, ils étaient tous en pyjama. Bon, c'est sûr qu'au niveau costume. Et je voudrais signaler que ce générique de série a été entre guillemets le premier faux générique de Destination Série. J'attendais le générique créé par Jean-Luc à l'époque, et pour patienter une semaine, j'avais utilisé le générique de cette série désormais culte. Vous aimez les séries ? Destination Série, c'est sur Fadjet. On peut remarquer qu'à l'époque, quand des créateurs de séries comme Jerry et Sylvia Anderson commandaient un générique, ils faisaient pas semblant. Hein. Non, ça, franchement. Ce générique vaut les bandes originales au cinéma. Et à signaler aussi que ce duo, ce couple à la ville plutôt, avait quelques années auparavant créé une autre série culte, les fameux Thunderbirds, les Sentinelles de l'air, les fameuses marionnettes, la sécurité internationale. Et à l'époque où on nous fait pas mal de remakes, et ben voilà, je lance une perche, je l'ai déjà dit, hein, mais voilà, personne n'a envie de le refaire. Refaites-nous un Cosmos 1999, voilà, à la mode 2023. Alors là, voilà, c'est... Alors, en changeant bien sûr le titre, appelez ça Cosmos... 3999. Voilà, hein, en prenant de la marge, comme tu disais tout à l'heure. Prenez de la marge, mais ça peut c'est servir. Vrai que moi, ça m'avait... voilà, alors que j'étais pas fan de science-fiction du tout, c'est quand même la série qui... voilà. Que j'aimais regarder dans mon enfance. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que vous prenez la première saison de Cosmos 1999, elle est magnifique, elle est 100% English, 100% britannique, et la deuxième saison, au vu du succès de la première aux États-Unis, qui était vraiment inattendu, les Américains ont voulu mettre des billes dans la série et participer à la production d'une saison 2. Sauf que la saison 2, elle a eu moins de succès, hein. Elle n'était pas vraiment britannique, elle était plus américanisée, et aux États-Unis, ça n'a pas eu le succès escompté. Il s'était même permis d'évincer certains personnages au profit d'autres, et ça n'a pas pris, donc c'est pour ça que la deuxième saison a été le final de cette série, et ce fut bien dommage. Tout de suite dans Destination Série, on s'arrête au Plus Belle TV, et là, avant de lancer le générique du Plus Belle TV, je voudrais quand même qu'on commente la nouvelle image que j'ai créé cette semaine. Oui, alors là, nous allons sur une île. Hein, alors, j'ai eu du mal de... Il a fallu que je maille, que je regarde le Plus Belle TV. Je ne me rappelais plus de cette nouvelle série. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé dans... le précédent numéro dans le de précédent Destination numéro, Série. Il y a un ou deux épisodes de cela, déjà. L'île prisonnière. L'île prisonnière. Et donc là, voilà, tu... Nos avatars sont donc près d'une île. Moi, je suis derrière un cactus. Voilà. Et toi, tu te promènes en barque, tu rames et tu dis « Oh, elle est trop belle, cette île prisonnière. Enfin, une histoire qui va nous faire rêver de l'eau, du sable fin. » Et moi, je lui réplique derrière mon cactus, encore un qui a bien bossé son sujet. Puisque vous allez voir que l'île prisonnière porte quelquefois bien son nom. Puisqu'il ne va pas se passer que des choses sympas sur l'île, évidemment. Et moi, ce que j'adore, c'est le chat. Ouais. Une belle île, même pas une belle île. C'est en fait, c'est ma petite Zia qui pose la question. Une belle île, même pas une souris à l'horizon. Pincez-moi, je rêve. Et il y a un crabe qui arrive derrière. On a demandé un petit pincement. Voilà, c'est la petite note d'humour. Ouais. Et tout de suite, on enchaîne avec le jingle qui va bien. Plus Belle TV. Prenez votre télé dans le bon sens. Et on commence ce Plus Belle TV avec une série qui galère, mais qui est toujours là. Et pourtant, on en parle toutes les semaines. C'est Blanca. Et Bianca, comme on l'appelle, qu'on peut l'appeler quelquefois. Et c'est la fin. Et c'est the end de Blanca. Voilà, elle va pouvoir rentrer chez elle tranquille. Cette série italienne qui aura fait, je ne vais pas dire les beaux soirs d'M6, qui aura fait les soirs d'M6. Pendant quand même près de 6 semaines, hein, oui, 5 ou 6 semaines oui, quand oui. même. Alors attention, le dimanche soir, c'est pas une histoire de hamburger, ouais, alors, mais c'est bien une série policière. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est le lancement de la saison 2, et il y a quelques fois, vous voyez, des petites séries, surtout sur France 3, c'est pas la première fois qu'on se dit « Ah bon, on a vu une saison 1 ». Alors, McDonald's et Dodds. Moi, ça me dit quelque chose, je me rappelle. Enfin, moi, ça me dirait quelque chose. J'étais pas là, alors, parce que McDonald's et Dodds, là, voilà, c'est pas une série sur les hamburgers. Ça, on l'a fait là, je m'en souviendrai, tu vois. La blague à deux balles. Et pourquoi je te remercie. Pourquoi pas McDonald's et Donuts, par exemple. Ça aurait été au coup meilleur. Bref. Donc, voilà, cette blague-là, je ne m'en souviens pas. Alors justement, le titre du premier épisode colle un peu à ce que tu viens de dire, le petit homme qui n'était pas là. Donc la petite saison 1 qui n'était pas là est en fait bien passé hein, sur France 3 l'année dernière. Je n'ai même pas souvenir l'année dernière dans notre palmarès des 75 séries là, qu'on a fait en janvier, qu'on évoquait McDonald's, parce que j'aurais fait une blague encore sur McDonald's et compagnie. Alors il y a peut-être 2 ans. Ah oui, ou alors c'était effectivement quand on ne faisait pas d'émission, quand il y a eu un petit trou d'air pendant quelques semaines. Il y a eu des problèmes de jambes et compagnie. Ils nous ont collé McDonald's et Donuts. Alors attention lundi, on se dirige avec notre barque du côté de l'île prisonnière. Alors là déjà vous voyez qu'au niveau de la photo, c'est beaucoup plus sombre que la photo, que le joli dessin de Laurent. Hein. On est sur du bleu, mais du bleu qui a déjà bien un peu... qui a pris le soleil, quoi, qui est déjà bien... Et là, on va à Pénic, la petite île au large de la Bretagne, une île calme et isolée, jusqu'un jour où, et là, rien ne va plus, vous retrouverez Pierre Perrier, Lannick Gautry, Margot Bansilon, Kevin Azaï, Anouk Gringberg, tous des gens que... l'on connaît. On connaît, vous avez tout de suite le physique, le visage, vous voyez tout de suite qui c'est. Le même soir, sur C8, on a toujours le commissaire Magellan avec le premier épisode de la 5e saison, Chasse gardée, le 4e épisode de la saison 3, Un instant d'égarement, toujours dans les 800-900 000 téléspectateurs sur C8. Et le mardi... Ah, le mardi, c'est SWAT, et c'est cette fois-ci, on va pouvoir le dire, ainsi soit-il, puisque ce sont les 2 derniers épisodes de la saison 5, le final, le loup solitaire, et c'est original d'appeler le dernier épisode de la saison sur le départ. C'est mieux que bonne arrivée. Sur France 3... Bah, la série là, qui sera numéro 1. Ça, c'est clair. Comme, même si elle est en rediff. Le Voyageur avec le Bruno Debrandt qui cartonne avec l'épisode 2 de la saison 2, La Vallée de la Peur. Enfin, qui risque de cartonner. Qui risque de cartonner, voilà. Mercredi. Alors, mercredi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La Une. Le lancement de la saison 5. Qui décide, malgré des audiences moyennes en saison 4, TF1 décide mercredi prochain, le 15 février, de lancer la 5e saison de The Resident. C'est super, super, super. Et c'est tellement super que le premier épisode s'appelle Super Papa. 3 épisodes à la suite. C'est dommage, hein, parce qu'on était fan notamment d'Emily Van Camp. Hein, oui. Voilà. Bon, elle est toujours aussi belle, hein, mais bon, voilà, on a un petit peu abandonné. Un petit peu abandonné les séries médicales depuis un moment. Hein, Laurent, encore avant moi. Oui, moi ça fait longtemps. Hein. France 2. Je sais même pas si j'ai abordé une série médicale. Hein. T'as regardé épisodiquement un petit peu au départ. Mais j'ai regardé Urgence, mais ça m'a tellement traumatisé. Tu as regardé un petit peu Dr House, quelques épisodes. Oui, quand même, merci de me rappeler Dr House. Mais j'étais plus. Les premiers épisodes de. De Intervention avec le fils d'Alain Delon. Non. J'ai regardé. Celui qui est autiste. Good Doctor. Good Doctor. T'as regardé un petit peu au début. J'ai très vite lâché. Oui, pas que la série n'était pas top, mais pour moi, ils allaient un peu trop loin avec leurs images en 3D. Par contre, ma compagne, elle, est une pure fan de Good Doctor. Donc, voilà, c'est une série médicale comme The Resident qui est excellente, mais il faut aimer. L'Abîme, donc, ce sera sur France 3 et à mon avis, on retrouvera aussi l'Abîme. Sur France 2 ? Sur France 2, pardon. On retrouvera dans l'Audioscope sans souci, certainement, hein. Vendredi prochain, avec toujours Sarah Mortensen. C8, encore Mongeville et Magellan. Avec le deuxième crossover. Deuxième crossover, c'est à 21h20, donc sur C8. Et The Flight Attendant. On n'a pas eu des audiences de Flight Attendant ? Non, je n'ai pas réussi à avoir les audiences. Ouais, donc ça doit être vraiment... J'ai fouillé, hein, mais je n'ai pas trouvé, pour le moment. Jeudi, là, sans nul doute aussi, on retrouvera quand même Balthazar, j'espère, dans les 5 places de l'Audioscope. On arrive tout doucement, hein. C'est l'avant-dernier épisode, Famille Parfaite. Et je ne sais pas si vous avez regardé, enfin, vous étiez certainement dans les 4 millions et quelques à regarder l'épisode d'hier. Moi, je suis fan, de plus en plus. C'est vraiment une série, alors que moi, j'avais une affection particulière pour l'ancienne héroïne et le passage à Constance Labbé, au départ, j'avais un peu du mal. Mais elle a réussi à se fondre dans la masse. Et puis, alors, cette relation qu'entretient Thomas Sisley, notre ami Balthazar, avec sa chef. Moi, je suis littéralement fan. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, allez sur le replay de MyTF1 pour prendre un grand moment de série. Attention, vendredi prochain, la série qui va un peu provoquer une attente du côté des challengers, de l'audioscope et du rétroviseur, c'est la série Le Crime lui va si bien. Souvenez-vous, c'est une série qui a déboulé, on savait même pas que ça allait devenir une série, hein. L'audience a été énormissime et Claudia Tagbo est toujours au cœur de cette série. Et là, on va déjà découvrir l'épisode 6. L'épisode 6, ça s'intitule Sosie or Not Sosie. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté du rétroviseur. Tout de suite, une petite pause avec le dernier générique de ce numéro. Ça s'appelle Mission Casse-Cou. Souvenez-vous, dans les années 80, sur France 3, on avait tous les samedis soirs Dynasty, la dynastie des Carrington avec Blake, avec Alexis, avec Christelle. Et à un moment donné, il fallait bien que les héros, la famille Carrington, prennent des vacances. Et au vu de l'audience, France 3 avait décidé de trouver une série à la hauteur de Dynasty. Et on avait eu le bonheur de découvrir une nouvelle série anglaise. Ça s'appelle Mission Casse-Cou. Souvenez-vous, ça donnait ça. On aurait pu vous proposer Destination Jardin. Après réflexion, on a préféré Destination Série. Souvenez-vous, Mission Casse-Cou, c'était le flic de New York, Dempsey, qui arrivait à Londres et qui était contraint de travailler, de mener des enquêtes aux côtés d'Harriet. Ça a donné trois belles saisons de 10 épisodes et elle reste inoubliable. Elle aussi mériterait d'être rediffusée. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. Rendez-vous vendredi prochain sur Fadjet pour un nouveau numéro. Rendez-vous samedi prochain sur RCN pour un nouveau numéro de Destination Série. Votre rendez-vous 100% série. Et là maintenant, sur Fadjet, nous allons retrouver Ça ira mieux demain, un nouveau numéro de cette émission pilotée avec brio par Benoît.